Chapitre 21e, sous l'eau. Et Laurent attendait ce jour même avec impatience le retour de Yalich. Celui-ci présidait aux recherches des scaphandres. Il y a pourtant un soin minutieux. Rabelais avait mis 3 plongeurs à l'eau. Le baron en fit descendre 6. Toutes les heures, Elora envoyait demander des nouvelles et recevait même réponse, rien. Enfin Yalich vint lui-même. « Ma chère Elora, nous sommes en face d'un problème insoluble. La police m'avait précédé. Elle n'a réussi à rien. J'ai doublé les scaphandres. Point de résultat. Il n'y a pas un coin large comme la main qui n'ait été visité. Partout, la base a été remuée, sondée, et je suis sûr, à mettre ma tête en jeu, que les corps ne sont point en rivière. Mais où serait-il ? » Yalich eut un geste de découragement. J'ai questionné Silor. Il a bien vu les noyés disparaître. Ils ne sont pas revenus à la surface. La mort est certaine. Mais cette mort des 3 héritiers, il faut la constater, ce qui est difficile sans les cadavres. Il ne me reste qu'une ressource, c'est de faire cette nuit une expérience. Ne serait-ce pas imprudent ? Pourquoi imprudent ? Nous sommes des héritiers, parents, et il est bien naturel que nous cherchions à connaître ce mystère qui nous intéresse au plus haut point. Nul ne peut me blâmer de la tentative que je ferai cette nuit. Seul, oui, seul, à quoi bon du monde ? En ce moment, un exprès arrivait. C'était Aruche, on l'introduisit. Il était minuit. Il apportait une étrange nouvelle. Monsieur de Noël avait conseillé de réaliser en rente sur l'état au porteur toute la fortune du docteur. On avait mis les scellés dès le jour même de la noyade dans la maison des victimes et l'on venait de s'apercevoir que les scellés avaient été brisés. Toutes les valeurs avaient été enlevées. Le concierge de la maison avait tiré 2 coups de feu sur l'auteur du vol et l'on avait suivi cette trace au sang qu'il répandait. Mais on avait pu l'arrêter. Yalich était assailli de doutes. « Je ne vois pas là-dedans une preuve de l'existence de notre ennemi, » dit-il. Aruche sourit. « Il vit, » répéta-t-il. « Il est très habile et très rusé. » J'ai connu sa mère, qui était de la famille des Irotellas, connue pour leur adresse. Il a combiné un plan. « Lequel ?» fit Elora. « Il veut laisser croire à sa mort. Se sentant menacé par nous, il va vivre loin de la France. Au jour de l'héritage, il reviendra et vous accusera. » Après avoir réuni des preuves, il vient de se voler lui-même. « Ce serait lui qui aura enlevé les valeurs ?» demanda Elora. « Certainement, » dit Aruche. L'exprès, un des parents d'Elora, écoutait et semblait approuver Aruche. « Il y a des détails, » fit-il. Le concierge racontait que les chiens de la maison, au lieu d'aboyer, avaient pleuré de joie, comme s'ils avaient reconnu une personne aimée. « Vous voyez ?» fit Aruche. Ils gémissaient de plaisir en retrouvant leur maître. Elora dit à Yalich, « Vite !» Des ordres à tout le monde. Il faut que l'on suive cette piste de sang. Inutile, dit Aruche. N'importe où il ira, les tribus le signaleront. Il ne saurait se cacher. C'est vrai, dit Elora. La seule mesure à prendre est d'envoyer à tous nos frères son signalement. Moi, je doute encore, dit Yalich. Il se prépare à sortir. Où vas-tu? Demanda la comtesse. Tentez l'expérience dont j'ai parlé, dit-il, et il fit atteler. Quand il fut sorti, Elora causa longuement encore avec Aruche. Les prédictions que celui-ci lui avait faites en forêt, il les répéta. « Tu me prédis la mort, » s'écrit-elle. « Soit, je me risque, mais tu me prédis aussi qu'il m'aimera. Je te demande s'il sera longtemps fidèle à cette passion pour moi. » Aruche eut un geste négatif. « Non, il ne t'aimera même jamais comme tu veux l'être. » Et Laura cacha sa tête dans ses mains. Aruche baisa le pan de la robe de sa jeune reine et regagna la chambre qu'on lui donnait dans l'hôtel.